place. J'arrive près d'une falaise, je me dis putain c'est balèze. Je veux maîtriser le solfège, je veux faire du son, faire péter le caisson. J'en place une pour tous les gars qui ont tourné le dos à la tété. J'en place une pour tous les gars qui ont posé le ricard sur le comptoir. J'en place une pour tous les gars qui ont lâché la clope. Et encore plus pour ceux qui ont lâché le teubé. J'en place une aussi pour tous les montagnards, les gars qui ont le dollar et les gars qui portent des briques. Ouais, les maçons, les plombiers, les gars qui ont un travail manuel. Pizza sœur Emmanuel, ouais. Tous les Manu Chao, les gars qui ont la guitare, qui s'allument auprès du feu. Les merguez, les barbeux qui se font zirplay, qui profitent du beau temps. J'en place une pour tous les gars qui se lèvent le matin. J'en place une pour tous les gars, les moines tibétains. J'en place une pour des gars de la street honnête, les gars qui sont là, qui empêchent les bouquettes. J'en place une pour les indiens, les indiennes, ceux qui vivent en forêt amazonienne. J'en place une pour les anciens, les anciennes, ceux qui ont le cœur pur et l'instinct d'un cheyenne. J'en place une pour les indiennes, ceux qui vivent en forêt amazonienne. J'en place une pour les anciennes, ceux qui ont le cœur pur et l'instinct d'un cheyenne. J'en place une pour tous les ex-dollars qui sont jurés de jamais remettre les pieds en zonzon. Yeah mon gars, les gars qui ont pas ramassé le savon, les gars qui sont restés droits au nez, fidèles à leur devise. J'en place une pour tous les artistes, tous ceux qui ont du potentiel qu'ils exploitent à fond sur les affiches. J'en place une pour tous les sportifs, mais pas pour l'équipe de France, franchement c'est l'affiche. J'en place une pour tous les gars qui représentent dans le bon sens, qui vont dans le sens du vent. Et ouais mon gars, je suis pas là pour mettre du clash, moi quand j'arrive, j'arrive cash. Dans tous les marins pêcheurs de France, parce que c'est quoi leur boulot était périlleux. Plein d'eux ont perdu la vie, ils sont à cette heure-ci avec Dieu. J'en place une pour les indiennes, ceux qui vivent en forêt amazonienne. J'en place une pour les anciennes, ceux qui ont le cœur pur et l'instinct d'un cheyenne. J'en place une pour les indiennes, ceux qui vivent en forêt amazonienne. J'en place une pour les anciennes, ceux qui ont le cœur pur et l'instinct d'un cheyenne. J'en place une pour Schumacher, les grands sprinteurs, les mecs qui vont toujours de l'avant, les mecs qui remontent même à contre-courant. J'te menace pas, j't'avertis, ici ça blague pas, c'est Paris, yeah. Je représente pas les bandits, je représente les petites mamies. Je représente les paraplégiques, les handicapés, les gars qui ont des problèmes aussi boulot qui boulotte au boulot. Oh oh, mâche pas ton marshmallow quand je te parle et regarde-moi dans les yeux quand je te cause. Histoire de Cosette, histoire de Balmusette, je t'ai dit c'est pas pour nous, nous on est des bafsous. Je représente les pompiers, les ambulanciers, les mecs qui aident leurs prochains, les mecs qui pensent pas qu'à leur poche, les mecs qui aident les proches, les mecs qui soutiennent, les mecs qui font des cours de soutien, je te préviens. J'en place une pour les indiennes, ceux qui vivent en forêt amazonienne. J'en place une pour les anciennes, ceux qui ont le cœur pur et l'instinct d'un cheyenne. J'en place une pour les indiennes, ceux qui vivent en forêt amazonienne. J'en place une pour les anciennes, ceux qui ont le cœur pur et l'instinct d'un cheyenne. J'en place une pour tous les freestylers, les mecs qui prennent un micro à n'importe quelle heure, ils débattent de n'importe quel sujet. Allez-y, vous pouvez juger, allez-y, approcher, écoutez mes couplets. Tout par coup ça s'organise, oh non, on veut pas détourner la tour de Pise. Et si t'entends pas, je te sors les cotons-tiges. Reste là, bouche B, fiche B, ça c'est une phase B. Je représente aussi le frérot, le frelon, toujours halte, toujours OP, y'a qu'à passer un coup de fil. Allo des halte, toujours dispo, OP.